plus jamais on baisse les yeux. Depuis que nous ai vus on perd, plus jamais on baisse les yeux. J'ai quelques amis sous la peur, je veux pas en croire que c'est le next level. Réussir ou mourir c'est lequel des deux, plus jamais on baisse les yeux. Y'a pas longtemps j'avais pas de corps, j'ai mangé donc j'en veux encore. J'ai mangé donc j'en veux encore, plus je vais pas mettre ma monnaie dans le porche. C'est nous les sales gosses, les sales pauvres. La madame a dit t'es un sale mom, mais ben regarde nous faire des soldats. Route devant la salle comme si c'était les soldes. J'suis têtu, j'suis fils de mon père, des vertus des vices de ma mère. On a tous un gamin à l'intérieur, et le mien veut jouer à la guerre. Le bolide fait le prix de la veste, le bolide fait le prix de la paire. Le bolide c'est Clio automatique, à l'arc aussi fait le prix de la veste. Nous on veut juste faire le tour de la terre. J'ai grandi sans l'odeur de la mer, j'ai grandi sans le nom de mon papa, avec les yeux qui disaient non ne pars pas. La confiance c'est le pare-balles, bague en plaque et c'est mon porte-bonheur. J'ai quelques amis sous la terre, je veux pas croire que c'est le next level. Plus jamais on baisse les yeux, depuis que je nous ai vus on perd. Plus jamais on baisse les yeux, j'ai quelques amis sous la terre. Je veux pas croire que c'est le next level, réussir ou mourir c'est lequel des deux. Plus jamais on baisse les yeux.